La Belgique est depuis 2000 ans un producteur important de marbre renommé, mais nous allons directement sauter à la période baroque où des centaines de variétés de marbre différents étaient disponibles. Donc il n'est pas étonnant que les architectes de Louis XIV soient tournés vers la partie nordique septentrionale de leur royaume, en tout cas pendant les intermèdes pacifiques, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait énormément de guerres entre la France et ses voisins. Et nous allons donc vous parler un peu des différents marbres que l'on rencontre ici. D'abord, comme Madame Besque vient de le dire, les marbres belges ne sont pas des marbres au sens géologique du terme, bien que je sois géologue. Ce sont des calcaires durs qui sont tous d'origine sédimentaire, donc qui ont tous été sédimentés au fond de la mer, à une époque que les géologues appellent le Dévonien supérieur et le Carbonifère inférieur, donc c'est la période qui s'étend grosso modo entre 380 millions d'années et 330 millions d'années ici. Ce sont tous des calcaires de très faible porosité. Par contre, la gamme chromatique accessible, ou en tout cas dont on peut se procurer en Belgique, est extrêmement limitée. Elle est limitée au noir, au rouge et au gris. Bon, la plupart des exploitations, évidemment, quand je parle de la centaine de variétés qui étaient disponibles, la plupart de ces exploitations ont disparu, elles ont été noyées, elles sont inaccessibles, ou elles sont urbanisées. Et d'un autre côté, les informations ne se retrouvent pas spécialement dans les archives, parce que la Belgique a changé plusieurs fois de nationalité, les archives ont disparu. En plus de ça, on vient de citer Reims, on vient de citer Barbançon, ce sont des villages qui sont à quelques kilomètres de la frontière, donc qui ont éminemment changé de nationalité au cours de l'histoire. Et ne fût-ce que pour citer Reims, par exemple, ou Barbançon, Barbançon était une principauté indépendante pendant tout un temps. Reims était en territoire français jusqu'à la défaite ou au départ de Napoléon vers l'île d'Elbe. À son retour, c'est devenu, pendant qu'il était à l'île d'Elbe, c'était les Pays-Bas. Après, c'est redevenu belge après les 100 jours. Donc, il y a eu énormément de changements de ce type. Alors, à ce niveau-là, évidemment, il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui sont fausses, fantaisistes, ou qui ne sont pas référencées. Donc il faut regarder la littérature avec beaucoup de prudence. Alors la méthode que j'ai utilisée, c'est celle de géologue, puisque c'est ma formation, et qui vient en touriste visiter Versailles, et qui regarde les marbres, regarde les cheminées, regarde les ornements, Et il note ceux qu'il croit reconnaître et qu'il croit venir de chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve évidemment le marbre de Reims que nous venons de citer en profusion. Il suffit d'aller dans le hall, d'ailleurs, pour se rendre compte que toutes les colonnes sont en marbre de Reims. Il trouve un dallage, des éléments de dallage en marbre Sainte-Anne, du Sainte-Anne belge, comme nous en parlerons tantôt. Il trouve aussi du marbre noir de Dinan, entre autres, encore une fois, dans le hall d'entrée. Il trouve du grand antique, ou en tout cas un genre grand antique qui vient de la région de Barbançon. Il trouve de la brèche qui est identique à celle à la brèche de Bolsor, nous en reparlerons également, et il trouve du petit granit. Alors également, il rencontre quelques dalles en marbre de l'Avenois, donc du nord de la France à l'heure actuelle, qui sont du Coussor, du glajon et du marbre noir français. Nous en parlerons dans 5 minutes. Bon. En tout cas, en ce qui concerne les quatre derniers cités, on peut être sûr que ce sont des choses qui datent probablement de la restauration de la monarchie de Juillet ou même peut-être après. Alors la durée des travaux de Versailles, la succession évidemment des architectes et toutes les restaurations ultérieures dont on a parlé font qu'évidemment la décoration marbrière n'est pas homogène. Entre autres, et c'est pas moi qui l'ai trouvé, les grands appartements, par exemple, qui sont dus à Levaux, les marbres sont combinés avec un souci d'opposition vigoureux en ce qui concerne les couleurs. Et le fond est en général d'un blanc uni. Dans la galerie des glaces, par contre, et dans les salons attenants de la guerre et de la paix, les tonalités sont beaucoup plus douces et on a recherché des marbres gris, des rouges éteints et des verts clairs. Ceci sur un fond de blanc plutôt veiné. Alors, Versailles, c'est évidemment 3 siècles d'histoire européenne et même américaine, qui sont écrits dans la pierre, dans le marbre, dans l'eau et dans les frondaisons, évidemment. Dans un article ultérieur que je consacrais justement au musée au marbre de Reims, je regrettais que quand on visitait Versailles ou bien d'autres endroits, eh bien, il était relativement peu question de marbre. En général, quand on parlait de marbre, on disait c'est une cheminée en marbre. Et il faut se contenter de ça, et c'est un peu dommage quand on se rend compte, on en a déjà parlé ce matin, que des noms comme Féline, les Griottes des Pyrénées, Cône Minervois, Sarrancolin, ce sont des choses totalement oubliées dans les guides qui sont vendus pour les touristes. Alors, que dire évidemment de tous ces marbriers anonymes, de ces maîtres de carrière qui se cachent derrière ces décors? La plupart, les noms de la plupart ont été oubliés malheureusement, et je crois que ce colloque est un peu un hommage qu'on rend à tous ces artisans, parce que quand on voit une toile, une peinture, eh bien on cite en général le peintre. Quand on voit une magnifique cheminée, déjà qu'on ne dit pas que c'est un marbre de Reims ou un Sarrancolin, mais on ne dit certainement jamais quel est l'artisan qui est derrière. Bon, d'autant plus que non seulement j'ai cité des maîtres marbriers, des ouvriers de carrière, il faut aussi ne pas oublier évidemment les milliers de polisseuses à domicile qui ont fait que ce décor resplendit à nos yeux. Alors, honneur évidemment au marbre de Reims. J'ai déjà dit évidemment qu'on le trouvait dans le grand vestibule et mieux conservé évidemment que ce que vous voyez ici qui est exposé aux intempéries. Le marbre de Reims est probablement le recordman, en tout cas, vaudrait la peine de figurer au centre dans le Guinness Book des records en ce qui concerne l'utilisation à Versailles. Le marbre de Reims est un marbre rouge. Voilà, je vais montrer quelques exemples, évidemment, de l'utilisation. Vous voyez toutes ces colonnes, tous ces pilastres sont évidemment en marbre de Reims. La galerie des glaces est en marbre de Reims. Beaucoup de cheminées sont évidemment en marbre de Reims. Le marbre de Reims fait partie des marbres rouges belges. Marbres rouges belges qui sont d'ailleurs toujours exploités à l'heure actuelle. Alors, ces marbres rouges belges proviennent de ce que les géologues appellent des meutements ou des récifs et qui sont des constructions récifales qui datent du Franien. Donc, ça date d'il y a 365 millions d'années. À l'époque, il y avait un climat relativement chaud chez nous. Et donc, ils construisaient des dômes. Et vous voyez ici un de ces dômes, qui est la carrière Beauchâteau, qui se trouve à Philippeville, et vous montre donc cette surface sciée de cette carrière qui a été classée, d'ailleurs, depuis lors. Nous avons à peu près, sur une épaisseur de 65 mètres, du marbre rouge, et qui est entièrement entouré de schiste. Alors, l'intensité de ces marbres rouges varie évidemment en sens inverse de la rapidité du développement du récif. Et récemment, un de nos collègues a montré que quand on regardait la pâte de ces marbres rouges au microscope électronique, eh bien, on voyait un certain nombre de filaments imprégnés de fer. Et en fait, il a pu montrer que c'était des bactéries ferro-oxydantes qui existent toujours à l'heure actuelle dans les marécages chez nous. Alors, vous avez déjà vu un certain nombre de ces marbres belges. Il faut pas oublier, en plus de ça, qu'il y a eu à peu près, grosso modo dans le temps, entre 100 et 200 de ces récifs qui ont été exploités. Donc, avec chaque fois, dans chacune de ces carrières, toute une variété de marbres de coloration différentes. Donc, il faut pas s'étonner que les appellations commerciales se sont multipliées. Alors, revenons-en à Reims, puisque c'est quand même notre principal souci. Eh bien, à Reims, il reste quand même des souvenirs, comme vous pouvez voir, la rue de Versailles. Au sein de cet anticlinal, c'est une structure géologique en forme de dôme, formée essentiellement de schiste, comme je viens de le dire, eh bien, dans le passé, on a exploité 4 récifs. Alors, ces 4 récifs de marbre rouge, il y en a une carrière qui devait être très vieille et qui, en fait, donnait un rouge relativement pâle, et qui était la carrière du bas du village, puis cette carrière étant épuisée, ou en tout cas de plus en plus entourée de constructions, elle a été abandonnée et on a ouvert une carrière qu'on a appelée la carrière de la Margelle. Alors c'est de la carrière de la Margelle que viennent la plupart des marbres qui sont connus à l'époque baroque. Quand les ingénieurs de Louis XIV se sont intéressés à Rance et au marbre de Rance, eh bien la carrière de la Margelle ne parvenait pas à suivre le rythme de la demande, et il suffit de voir je n'ai jamais calculé, mais il doit y en avoir plusieurs dizaines de colonnes, entre autres, en marbre de Rance au château, ici. Mais donc, il y a eu une demande extrêmement importante, et on a ouvert une nouvelle carrière qui s'appelait le trou de Versailles, ou le trou à roc. Ce trou de Versailles, comme beaucoup de carrières, évidemment, est actuellement sous eau, d'autant plus que, comme je viens de le dire, tous ces gisements sont tout à fait entourés de schistes, donc totalement imperméables. Et il y a quelques années, une de ces carrières, en tout cas le trou de Versailles, a été vidé de son eau, et on a pu y accéder et faire une étude géologique que j'ai menée, entre autres, avec Francis Tourneur, qui est ici dans la salle, et qui a étudié les coraux qui constituent en grande partie ce marbre de Rance. Alors, le marbre de Rance, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres? D'abord, bon, dans les 4 carrières dont je viens de parler, il y a 2 carrières qui donnaient surtout du griotte et 2 autres carrières qui donnaient ce marbre-ci, en tout cas en partie une partie de ces carrières, et qu'on a appelé le vieux Rance. Alors, le vieux Rance, c'est un rouge-brun. Je vous invite à regarder les colonnes dans le vestibule et ça vaudra mieux qu'une longue définition. Il est parsemé d'une myriade de petits tabulés que les géologues appellent les tamnopora. Il est veiné de gris par une autre sorte d'alvéolites, de tabulés qu'on appelle les alvéolites, et dans lequel il y a les taches blanches, et qui sont également des coraux, qui sont des rugueux, ceux-ci, qui sont des philibustriens. Alors, c'est une des caractéristiques de ce marbre de Rance, c'est de posséder toutes ces particularités et de donner évidemment la beauté à cette roche. Malheureusement, la carrière que je viens vous de montrer a été arrêtée en 1952-1953. Donc, vers le milieu du XVIIe siècle, comme j'ai dit tantôt, la carrière de la Margelle ne parvenait plus à suffire aux besoins de la demande, et on a donc ouvert le trou à roc. Alors, le marbre de Rance est un marbre qui est connu depuis très longtemps. Bon, les gens prétendent qu'il est exploité depuis les Romains. Les marbres rouges, en tout cas, sont exploités depuis les Romains. Bon, est-ce que Rance est exploité depuis les Romains? Je dirais oui, d'après la littérature. Je n'avancerai pas trop, parce que je n'ai jamais vu personnellement d'exemple de construction de villas romaines dans lesquelles on trouvait du marbre de Rance, mais c'est tout à fait probable. En tout cas, l'église du village, qui est en style gothique, témoigne en tout cas de l'ancienneté, soit de la reprise de l'exploitation, soit de l'ouverture des carrières. Alors, le marbre de Rance jouissait déjà bien avant Versailles d'une réputation internationale. Et alors, monsieur Smith Key, qu'on entendra demain, je crois, ou après-demain, qui a fait des recherches dans les archives polonaises et autres, a montré, a retrouvé en tout cas, que Christian IV du Danemark a commandé en 1591 toute une série de marbres belges. En tout cas, il a demandé un passeport pour que ces gens viennent chercher des marbres belges chez nous. Et dans cette liste, on trouve du marbre de Rance. On trouve du marbre de Charlemont, Charlemont étant Givet. On trouve du marbre noir de Dinan, dont nous parlerons. On trouve de la pierre de Dinan, de Namur plutôt, et on trouve 400 000 ardoises. On savait déjà par les travaux d'érudits locaux que, En 1602, le propriétaire de la carrière de Rance, donc de la Margelle, était le duc de Croix, le duc de Croix, comme on dit en Belgique, et qui aidant donc ce besognier de 1608, on dit déjà que le duc de Croix a fourni au roi du Danemark des pierres pour faire les sépultures royales à Roskilde. C'est la diapositive que vous voyez ici derrière. Également, quand je dis que les marbres de Rance étaient bien connus, ici vous avez devant vous la maison de Rubens à Anvers, qui a été construite en 1610. Le pourtour de toutes ces statues est en marbre de Rance. Voilà un détail. Ceci pour vous montrer que donc en 1610, on connaissait parfaitement non seulement les marbres belges, mais également les marbres étrangers, parce que vous voyez du Carrare, vous voyez du jaune de Sienne et d'autres variétés qui étaient importées. Également, un autre exemple, c'est l'église Charles Borromée à Anvers, qui date de 1615-1621. Ces différents marbres montrent l'expertise que avaient déjà les artisans marbriers en ce qui concerne le travail des marbres. À Rance, on ne travaillait pas que le marbre de Rance. On importait, on travaillait toute une gamme de marbres belges, hein, au moins une vingtaine de marbres rouges. On travaillait également des marbres noirs, comme on parlera dans 5 minutes. On travaillait de la brèche de Bolsor, dont on parlera aussi, de la brèche d'Alep, du petit antique, et on a apporté aussi toute une gamme de marbre italien. Une chose qui a été pendant longtemps qui a été controversée, c'est que on trouvait, en tout cas les vieux de la région disaient que à l'époque de Louis XIV, pour arriver jusqu'à Versailles, les ingénieurs avaient abattu toutes des tronçons de bois pour en faire, des bois de chêne, entre autres, pour faire une route. Et alors, ça relevait un peu de l'anecdote, mais récemment, j'ai eu la chance de poser la question à M. Huclin, qui est doyen de la faculté catholique de Lille pour le moment, qui est un historien qui connaît bien cette région, et qui m'a envoyé effectivement une vieille carte, qui est une carte qui date du XVIIIe siècle, et sur lequel on trouve encore ce tracé, le tracé de cette route qui allait de Ranly. Alors, Ranly est un village où il y avait une carrière célèbre, qui est la Haie des Saules. En fait, juste au sud de Ranly se trouve Rance, et qui allait jusqu'à Coussors, et qui rejoignait Valenciennes, et qui, de Valenciennes, évidemment, allait vers Paris. Alors, je profite de ce que vous ayez cette carte pour vous montrer que tous ces petits villages dont je vais parler tantôt, Barbançon, Beaumont, Sors-Saint-Géry, Coussors, etc., Grandieu, Rance, tout ça se trouve évidemment dans un mouchoir de poche, mais de chaque côté d'une frontière. Je viens de citer Coussors. Coussors est un village dans le nord de la France, dans l'Avenois, qui a été célèbre en tout cas pour ses marbres, mais beaucoup de ces marbres datent du 19e siècle. Et donc, quand on lit dans le guide Michelin que des villages comme Coussors ont livré pour le château de Versailles, ça relève évidemment de l'anecdote. Il est un fait qu'il y avait un grand marbrier qui s'appelait Henri Vienne, qui habitait à Coussors et qui travaillait en sous-main pour un marbrier de Versailles, de Paris en tout cas, qui s'appelait Bénézèche. Et quand on voit le papier à lettres de ce monsieur, il y a marqué « Entretien des marbres du palais de Versailles et du Trianon ». Donc il est probable que la réputation, en tout cas les données concernant ce marbre, dans le guide Michelin et dans les brochures locales, vient de ces fournitures-là. Fourniture qui est d'ailleurs en grande partie destinée, non pas au château, mais à l'hôtel de ville de Versailles. Ça existe là-bas, ça existe en Belgique aussi, et Madame Goy et Francis Tourneur, qui se trouvent ici, ont décrit la carrière de Barbançon, de Beauchâteau que j'ai montré tantôt, et dans cet article, ils écrivent que, parce que c'est également une carrière qui s'est probablement ouverte après 1860, et dans les prospectus publicitaires de cette carrière, on trouve aussi qu'ils ont livré pour la construction de Versailles. Alors, ils écrivent « Ces livraisons mythiques à Versailles font partie de l'arsenal publicitaire habituel des exploitants de marbre rouge qui utilisaient et utilisent de nos jours encore et auxquels on ne peut guère accorder de crédit. » Et je crois que c'est un peu un phénomène assez général. Oui, je vais passer rapidement, la diane n'est pas très belle. Voilà l'abbaye de Liessy dont j'ai parlé. Alors, le marbre de Reims a eu son heure de gloire, évidemment, et ici, par exemple, c'est à Istanbul, c'est au palais Topkapi, la pièce où sont conservées les reliques de Mohammed. Eh bien, elle est en marbre de Reims. Le palais de Stockholm, le palais royal de Stockholm, il y a aussi des cheminées. Alors, très rapidement, on est passé des cheminées à d'autres choses, et Reims, comme d'ailleurs Koussor, sont effectivement connus à partir du 18e, 19e siècle surtout, comme des fabricants de bibelots, de bimbeloterie et de pendules en particulier. Alors, j'ai dit que, entre autres, Beauchâteau n'avait pas livré de marbre à Versailles, mais j'ai quand même trouvé un meuble sur lequel il y a une couverture en marbre qui vient de la carrière Beauchâteau, et un autre dans lequel il y a du marbre rouge royal. Alors, la deuxième sorte de marbre, qui est également d'âge franien, donc à peu près la même chose, mais un tout petit peu plus vieux que le marbre rouge précédent, c'est le marbre Sainte-Anne. Alors, quand je parle de marbre Sainte-Anne, je parle exclusivement du Sainte-Anne belge et pas de toute une série de succès d'années, des marbres français, j'ai parlé de l'Avenois tantôt, pratiquement tous les villages de l'Avenois avaient leur Sainte-Anne, qui était souvent très différent les uns des autres et qui n'avait rien à voir avec le Sainte-Anne authentique. Je ne parlerai même pas des Sainte-Anne qu'on trouve dans les Pyrénées, par exemple, et qui sont tout à fait différents et d'un tout autre âge. Alors, dans les pavements de Versailles, comme vous pouvez le voir derrière moi, ici, il s'agit du salon de Mercure, je crois, on trouve du marbre Sainte-Anne. Alors, c'est un marbre à fond noir, sur lequel se détache un mélange de fleurs grises et de taches blanches cristallines. Encore une fois, c'est un marbre qui est d'origine corallienne, qui, contrairement au marbre rouge, ici, est stratifié. Donc, les bancs sont tout à fait stratifiés, ils sont parallèles entre eux. Et donc, il contient une multitude de polypiers, le ciment est grisâtre, et les taches blanches, évidemment, sont en calcite. Et en fonction de la grandeur des taches, on a exploité du petit, du grand et du moyen mélange. Voilà encore, je m'excuse pour le pied du touriste. Alors également, donc, je vous ai montré tantôt la photo. La première carrière de marbre, voilà du Sainte-Anne, la diapositive n'est pas très bonne malheureusement, voilà. La première carrière de marbre Sainte-Anne s'est ouverte à Sourcingéry, Barbançon. Et d'après la légende, en tout cas d'après les écrits, c'est la chapelle qui se trouve à côté de la carrière qui lui a donné son nom. Bon, maintenant la chapelle a peut-être été construite après la carrière, ça c'est un autre problème. Mais donc il y a un lien évident entre le nom de Sainte-Anne donné au marbre et le nom qu'on a donné à cette carrière. Alors, il faut savoir que le marbre Sainte-Anne a eu son heure de gloire, que non seulement on l'a exploité à Sourcingéry et Barbançon, par exemple, mais la localité où on en exploitait le plus, c'était la Bouissière. Et encore une fois, mon collègue Francis Tourneur, qui se cache au fond de la salle, a écrit un article admirable à ce sujet-là. Et on s'est pratiquement rien de l'ancienneté de cette exploitation. On sait que l'impératrice Marie-Thérèse, donc qui régnait sur nos États au XVIIIe siècle, a autorisé la construction d'un moulin à eau pour scier le marbre. Alors, cette scierie est devenue relativement célèbre parce qu'elle a été rachetée, ou en tout cas développée, par un certain monsieur Puissant, et qui a diversifié non seulement la production. Je vous ai parlé du pavement du Panthéon, là tantôt, mais ce pavement a été scié dans ces carrières de Merble-Château, mais donc il a diversifié la production et il a aussi étendu ses activités dans toute l'Europe et également bien au-delà, puisqu'il avait des carrières au Brésil. Et il était au tournant au début du XXe siècle, c'était probablement la plus grosse société marbrière du monde. Alors, on va un peu accélérer. Voilà. Un exemple de Sainte-Anne à la basilique du Vatican, basilique Saint-Pierre. Quand on voit ici, quand on visite Paris, évidemment, le Val-de-Grâce, 1662, il y a des magnifiques colonnes, et ces colonnes ont été faites en marbre de Barbançon, qu'on appelle chez nous le braille, et qui est une espèce de grand antique. Grand antique que l'on retrouve, mais est-ce que c'est du grand antique véritable, c'est-à-dire celui des Pyrénées, ou celui qui vient du Franien de chez nous? Également, voilà l'escalier de la Reine. Alors, quand on visite, évidemment, ici, c'est le couloir qui va au Parlement, et qui a probablement été fort restauré, on trouve toute une série de dallages qui ont peut-être été fournis par ce Bénézèche dont j'ai parlé tantôt, et dans lequel, effectivement, on trouve du Sainte-Anne, mais on trouve également au-dessus, là, du Coussor, le Coussor étant pratiquement du même âge, mais un tout petit peu moins cassé, disons. On trouve également d'autres, celui avec les taches blanches, qu'on en parlera tantôt, qui est du marbre de la région de Bavay, qui est un marbre à amande ou à boule de neige. On trouve la dalle que vous voyez ici, c'est du glajon, donc également donc de l'avenois. Alors, ça, c'est du marbre aux amandes qui vient de la région de Bavay. Encore une fois, marbre aux amandes. Voilà. Ici, des boules de neige, toujours du noir, ce qu'on appelle le noir français, mais qui date probablement de Louis-Philippe. Alors, venons-en à la troisième variété de marbre, qui est le marbre noir de Dinan. Alors, le marbre noir de Dinan, il est bien connu à Versailles, parce que vous voyez les couloirs qui en sont... Voilà. La salle de bain de Louis XV. Alors, ces marbres noirs de Dinan sont du Dinan ancien, donc légèrement plus jeunes que les marbres dont nous avons parlé. Donc, ils datent de 342 millions d'années. Alors, il y a toute une série de variétés de marbres noirs différents en Belgique. Il y avait le marbre franien, qui est d'ailleurs celui qui est encore exploité, qui venait de Golzin. Il y a des marbres dinanciens, qui est le Dinan, Dené, Teux, etc., les basaicles. Et il y a un marbre de Namur, qui est un tout petit peu plus jeune. La valeur de marchand de ces marbres est extrêmement différente en fonction de la grandeur des blocs qu'on peut en extraire, évidemment, et de la qualité du marbre en question. Alors, on a beaucoup épilogué, et si je montre cette diapositive qui vient de Liège, je sais que j'ai plusieurs collègues liégeois dans la salle. Je m'excuse d'ailleurs d'avoir assimilé le Dinan, qui était la deuxième ville de la principauté de Liège, et qui, donc qui n'a rien à voir avec le titre en question de ma conférence. Par exemple, à Liège, dès qu'on voit un marbre noir, on le fait venir de Teux, quelle que soit sa provenance. Alors que, en fait, Dinan est beaucoup plus facile à accéder que Teux grâce au fleuve. Également, vous reconnaissez peut-être, puisque c'est à Saint-Denis, ici, pas tellement loin de notre réunion, à Saint-Denis, vous trouvez le tombeau de Blanche de Castille, qui porte d'ailleurs assez mal son nom, puisqu'elle est en marbre noir, qui est considéré comme étant un des chefs-d'œuvre en pierre de Tournai. Bon, je ne suis pas du tout sûr que ce soit de la pierre de Tournai, et je crois plutôt qu'il s'agit probablement de la pierre de Dinan. Alors, un des plus beaux exemples, évidemment, et qui montre l'ancienneté de l'exploitation du marbre noir. Et là, c'est assez extraordinaire parce qu'on sait, on connaît le bon de commande qui date du 10 avril 1385, où le duc de Bourgogne envoie de Dijon, envoie son valet à Dinan pour acheter des blocs de marbre pour faire son tombeau. Nous avons évidemment déjà parlé de Roskilde, donc nous n'en reviendrons pas. Voilà. Également, le marbre noir de Dinan a certainement contribué, nous étions sous la domination des Habsbourg à ce moment-là, a certainement contribué à l'essor du baroque chez nous. Ici, c'était le tombeau des princes de Tours et Taxis. Ici, c'est le tombeau de Bruegel, le mémorial de Bruegel. Un mémorial dans le nord de l'Allemagne qui est le Moritz Monument, qui est en marbre noir de Dinan également. Voilà. Alors également, comme en ce qui concerne Reims, et ceci est probablement fabriqué à Reims, la bimbloterie a très vite pris le pas, mais c'est un thème d'une autre conférence. Alors, la quatrième variété de marbre dont nous allons parler, c'est la brèche. En Belgique, nous avons au sein du Viséen, c'est-à-dire la roche la plus jeune dont je vais parler aujourd'hui, c'est 330 millions d'années, ça va. Nous avons une brèche, et cette brèche a été utilisée à plusieurs endroits, au château de Versailles également. Alors, la dernière pierre dont je vais parler, et qui c'est le petit granit, qui est certainement la roche la plus exploitée actuellement en Belgique, et si vous regardez par terre quand on rallumera, vous verrez que vous avez du petit granit à vos pieds, en tout cas les dalles qui ne sont pas avec les veines blanches, c'est du petit granit qui a probablement été fourni par monsieur Jean-François Abraham, que je salue au passage, qui est une famille de producteurs depuis 300 ou 400 ans de ce matériau, qui est donc d'âge tournaisien. C'est un calcaire qui est exploité dans d'énormes carrières, qui a surtout été utilisé comme pierre de taille. Vous avez ici un exemple qui est la cathédrale de Lille. Voilà, alors la constitution, ce marbre a été fabriqué, si on veut, ce calcaire a été fabriqué par des crinoïdes, qui sont des échinodermes, comme ceux que vous voyez ici derrière, qui sont des animaux qui vivent toujours, et qui, quand ils meurent, ils forment des petits cylindres. Ces petits cylindres s'accumulent au fond de la mer. Quand on parle de petits granits, en ce qui concerne en tout cas le dallage ou la marbrerie, eh bien, il faut se dire que ce produit n'est pratiquement poli que depuis la fin du XVIIIe, donc pratiquement au moment de la Révolution française. D'ailleurs, c'est l'époque à laquelle on a commencé à appeler petit granit. Et donc, il est plus que probable que toute une série de pavements qu'on voit ici à Versailles, ce sont des restaurations qui ont été faites ultérieurement. Je ne sais pas, voilà, encore